les oreilles, c'est Sandor qui débarque. On va commencer tout de suite avec plus d'un mètre 80 de punchline et des impros qui font très mal au mic. Top chrono pour ma mesure, j'entre en action avec leur couplet. Je rappe mieux qu'en improvisation, c'est clair. Je fous droit tel un éclair. J'ai la rime sévère à la gueule du système. Je crache des glaires si j'en ai pas l'air. Moi j'ai la haine dans la mâchoire et les rappeurs sur ma bite veulent s'asseoir. Remballe ta démagogie, faites une orgie. Vous les M6, vous manquez de logique, ouais. Les faux je méprise, les mots je maîtrise. Mon flow je l'aiguise un peu comme les travestis se déguisent. Rapper jamais ça m'épuise. Face à moi tu vas passer de peace and love à rest in peace. J'aime pas la justice ni l'industrie. Je crache ma furie avec des poseurs de tuerie. Face à moi, tu joues la scarla. Quand je rappe, sèche tes larmes, on voit couler ton mascara. Viens pas clasher, va te cacher. Quand tu rêves de mon flow, réveille ton slip est taché. Couplet fini, je pose ma plume dans l'encrier. Varine signe à cri pour inox l'ami. Oula, ça c'est du lourd, hein, ouais. Maintenant nous allons passer au roi du maniement de la pompe. Allons retrouver dans l'ombre notre guerrier masqué, un cœur. Le coup part, je suis coupable. Les putes les écoutent pas, je me couche tard, je suis ce cauchemar. Je vois la chance qu'en court métrage. Y'a que des coups d'état, j'écoute la rage. Passerai toute étape, les vrais les faux je sépare. Crois pas que tout s'efface, la vie la mort après je sais pas. En attendant je pédave, je monte de gratte. Je dégrade la ville avec des graphes. Mauvais présage, petit j'étais déjà pas très sage. Quand j'écris je m'évade et j'élargis mes pages. À croire que la haine était dans mon héritage. C'est véritable, on marche à la verticale. J't'avertigale, notre chemin est quasi impraticable. Loin des trêpes écapes, j'ai des rimes interminables. Y'a des trucs qu'on guérit pas, c'est la guérilla. J'sais pas vers quoi j'm'oriente. J'veux pas d'une mort violente ou d'une nouvelle descente. J'suis ce cocktail, allume l'essence. Après mon passage, j'aurai des centres. Pareil que le temps, c'est de l'argent, marre d'attente, pas de patience. J'abandonne pas sans une revanche, j'suis étrange, pas un ange. Plus j'avance et plus j'vois les conséquences. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Et pour finir, nous allons retrouver le Lusitano du Carmi, a.k.a. de vos acquisiteurs. Tu sais que je me suis entêté, que je roulerai entêté. Le rap m'a endetté depuis mes premières tétés. Mais dis-moi toi où t'étais, quand le mal me guettait. N'essaie pas me buter, tu vas te prendre une déculottée. Le standard fait l'artiste, ne teste pas, conteste pas, proteste pas, atteste. Ça monte les dents comme le Cossa. Si c'est la Gestapo, fais monter le thermostat avant que la liste pose. Déboule comme la tourista. Le freestyle fait mal comme Ronaldo et son travelo. Faut que ça résonne de fait mal gros. Jusqu'à ce tableau, c'est d'art, ma dans le standard. Toute mon économie, tout ça pour des pétards de masse et son agronomie. C'est évident, comme une rose à ses épines. Même seul, je suis nombreux comme le landais dans les campings. Passe-moi la carabine, une carabine, c'est ta rabine. Et ta rapide, tu vis le glitch, ça sent l'urine. En résumé, le rap, c'est de la brolette, c'est clair et net. Je suis le proxénète, le proxy, l'internet, le prof en fait. Car dans ma tête, ce n'est pas net, ici pas de prophète. Les amis, c'est le standard qui mène la fête. Oulala, là j'ai complètement la tête qui tourne, hein. Le standard il crée l'avalanche. La mixette est terminée, j'espère que t'as kiffé. T'inquiète, c'est pas le dernier projet. Le standard il est un mec, hein. Les affaires très mal.